3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. On se réchauffe les mains, on se chauffe la voix, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Épisode 105 à The Knicks Week, le rendez-vous hebdomadaire sur KNF TV tous les lundis sur YouTube à partir de 18h30. Après, vous avez tout le temps qu'il vous faut pour regarder ça et pour l'écouter aussi en format audio. Disponible le mardi sur les plateformes de streaming. On les mentionne pas, vous les connaissez. Et un autre que vous connaissez plutôt bien, c'est mon acolyte Seb. Comment tu vas, Seb? Bah écoute, tout va bien. Tout va bien? Bah ouais. Bonne semaine passée peut-être côté Knicks, des bons pronos ou pas, un bilan positif, un road trip qui s'est terminé positivement, hein, ouais. On va dire ça comme ça, donc de quoi en bien aller, et puis un mois de décembre qui fait plaisir, il y a des cadeaux, il y a Maria Carré, il y a tout ça qui se prépare, on vous raconte tout ça, on perd pas de temps, il y a, comme vous le savez, à chaque épisode, beaucoup de choses à se raconter, donc on lance le petit jingle, on regarde la rétrospective de la semaine dernière, et on parle de tout ça ensemble pour passer un bon petit moment à parler des Knickerbockers. Allez, c'est parti. Et oui, on a passé une bonne semaine. On arrive au mois de décembre. Le mois de décembre, vous le savez, c'est le mois de... Papa Noël? Maman Noël? Maria Carré? Les cadeaux, et oui. Et c'est l'occasion pour nous de vous parler un peu, une fois n'est pas coutume, de la dernière sortie du MOOC Reverse. Et oui, le MOOC Small, un petit MOOC, un MOOC sur les petits. C'est un MOOC sur les petits, en fait. Et dans ce MOOC pour les petits, sur les petits, on retrouve qui? Eh bien, des anciens joueurs d'Enix ou des joueurs d'Enix actuels. Un petit peu de John Starks, un peu de Nate Robinson, un peu de Jalen Brunson, du Mark Jackson, peut-être. Oui, oui, oui, il y a un petit peu de tout ça. Donc voilà, comme d'hab, on donne du soutien à l'équipe de Reverse qui nous produit toujours des bons contenus et c'est du contenu physique, donc voilà, n'hésitez pas, allez-y, ça peut faire plaisir pour les fêtes de fin d'année, un peu de lecture basket en dehors de l'actu et avec des regards plutôt d'experts, donc c'est toujours intéressant et on ne lit pas assez en format papier, donc voilà, soutenez comme nous le faisons en tout cas les acteurs du milieu qui produisent des contenus réguliers, hein. Le MOOC s'est sorti tous les 2-3 mois, hein. Il y a plusieurs MOOC par an, donc c'est des ouvrages de qualité et qui sont toujours sympathiques à lire. On avait soutenu 5 majeurs il y a peu avec leur très belle couverture avec nos amis d'Enix. Et bien là, c'est un MOOC sur les smalls, sur les joueurs de petite taille. Et on peut dire que les petits, à New York, ça réussit plutôt bien. En l'occurrence, Jalen Brunson, bah oui, il sort de cette semaine avec une belle petite semaine et notamment un petit record en carrière. 17 passes dans un match, le match face aux Denver Nuggets, on va avoir l'occasion de revenir sur ce match. Et puis un autre qui se porte plutôt pas mal depuis son retour de blessure, il nous avait manqué pendant un petit moment, c'est Miles McBride, ça y est, il a passé le cap des 1000 points en carrière. On peut le dire que cette saison, il s'épanouit complètement dans son rôle en sortie de banc, il peut scorer à foison, il se fait plaisir et ça compte à la fin, puisque 1000 points en carrière, ça y est, c'est un petit cap de passé pour le Miles McBride. Les petits qui se portent bien, les petits qui font plaisir à New York, Seb? Il y a toujours eu une tendance au son. Enfin, les meneurs, les joueurs de ballon ont toujours eu la cote à New York. À Big Apple, même si sur les deux là, on est d'accord que ce n'est pas des joueurs issus réellement de Big Apple, même si JB est né dans le New Jersey, il a fait ses classes d'armes après du côté de Chicago et tout, et Philadelphie bien sûr, la Pennsylvanie avec la fac de Villanova Boy, vous le savez. Mais oui, effectivement, on aime les petits joueurs, on aime les meneurs, les manieurs de ballon, donc c'est peut-être ça finalement la clé de la réussite à New York. On verra tout ça en tout cas. On est au mois de décembre, les petits ça marche, il faut faire des cadeaux pour les petits, pour les grands, et il faut surtout pas oublier que vous avez jusqu'au 15 décembre, et oui, à partir de ce moment-là, après, on fermera les commandes pour commander votre t-shirt 2024-25 de l'association Knicks Nation France, donc avec l'adhésion starter, à partir de l'adhésion starter, il y a différents packs, vous le savez, on peut se procurer des polos, des hoodies, et le t-shirt exclusif cette saison avec cette belle équipe des Knickerbockers. On avait mis un petit peu de temps à faire le visuel. Il y avait eu un trade qui nous avait un peu chamboulé nos programmes et nos projets pour la réalisation de ce visuel. Là, pour l'instant, on ne touche plus à rien. On a appelé Léon Rose. Il nous a dit que c'était bon jusqu'au 15 décembre. Il ne faisait pas de trade. Après, on verra. Ce t-shirt sera d'autant plus collector s'il y a des mouvements. Et puis, sait-on jamais, si on va jusqu'au mois de juin, il sera très bien à porter pour l'été avec, pourquoi pas, un futur maillot de champion. On sait pas, on sait pas. Allez, on se projette un peu trop. On se projette un peu trop. Rétrospective de la semaine dernière. Et la semaine dernière, nous avions ni plus ni moins que le premier rassemblement, la première KNF Viewing Party qui s'est organisée au Hideout pour la Friday Night Knicks. Alors, c'était un soir de vendredi, mais c'était aussi le Black Friday. Et on a eu tout un tas de personnes à venir nous rejoindre au Hideout pour passer un bon moment dans une ambiance de match. Ouh, crispante, frustrante, mais au dénouement, heureusement, victorieux. Donc ça a été un bon moment passé avec les Knicks fans. On remercie nos amis du roster qui sont passés nous rendre visite sur cette soirée et qui ont visiblement très bien apprécié l'événement, tout simplement. Donc voilà, KNF Viewing Party, c'était la première de la saison. Il y en aura d'autres, bien sûr, restez à l'affût. On devrait vous en communiquer une date très prochainement. Pourquoi pas une date en décembre, oui, avec l'équipe, avec Laurent, avec Abdul, avec tout le monde pour vous accueillir au Hideout et passer un bon moment ensemble, parce que finalement, cette passion, elle nous rassemble sur des réseaux sociaux, mais la raison d'être numéro 1, l'ADN de l'association Knicks Nation France, c'est bien sûr de réaliser des événements. Et donc, on vous retrouvera très prochainement pour passer ensemble de bons moments autour d'un match Knicks avant de s'envoler là-bas au mois de juin. Voilà. Bon, ça, un petit coucou, un petit bisou, un gros big up à tous ceux qui étaient présents et présentes lors de cette soirée, cette première KNF Viewing Party. Pour sûr, il y en aura beaucoup cette saison. Allez, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet des prestations basket de nos amis en Orange and Blue. Et tout de suite, on va poser un premier débat. Et oui, premier débat ou une interrogation. Seb, je veux avoir ton avis. On a eu une belle semaine. Ouais, on a une semaine intéressante de OG Anunoby. On a un début de saison plutôt intéressant de OG Anunoby. Et on a eu un record en carrière et pas dans n'importe quel match. Le match face aux Denver Nuggets. On reviendra dans le match un petit peu plus en détail tout à l'heure lorsqu'on va faire la rétrospective des 4 matchs disputés. Mais OG Anunoby, eh ben, il s'est sorti, grandi de ce match avec une performance en carrière height. Le record en carrière de OG Anunoby, 40 points dans un match face aux Denver Nuggets. C'était une bonne façon de se faire remarquer et de se donner un peu plus de crédit dans un début de saison déjà qui est plutôt une réussite. On a Kendrick Perkins, vous le connaissez maintenant, il est plutôt dans un rôle où il encense assez régulièrement les prestations d'Enix. Et il nous parle de OG Anunoby dans un rôle peut-être de Scottie Pippen des temps modernes. Alors on espère et on souhaite qu'il ait raison, ce bon Kendrick. Des fois, il a tendance un peu à s'enflammer. Mais est-ce que OG il a passé un cap cette saison, sans ce début de saison? Est-ce que pourquoi pas, il pourrait pas aller chercher une petite sélection au All-Star Game d'ici quelques semaines? Qu'est-ce que tu en penses sur cette question? OG All-Star ou pas All-Star? Je t'aurais dit pourquoi pas, mais quand je vois les 3 derniers matchs offensivement qu'il fournit, plus compliqué. Je me dis quoi? 40 points, 8 et 8 derrière. Ah, 8-7. Donc, il est, jusqu'à présent, ouais, il était plutôt pas mal, il avait de bonnes stats. Et c'est vrai que là, alors est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il arrive un peu, là, un peu à bout de, enfin, au bout du rouleau? Est-ce que le road trip, là, c'était vraiment le climax, le match contre Denver, et puis là, il y a un peu de relâchement? Est-ce que son énergie qu'il met défensivement, parce que ça, ben, ça, on ne peut pas lui enlever. Moi, je pense qu'il pourra plus prétendre à une place dans le top 3, s'il continue comme ça, du meilleur défenseur de l'année, et dans une équipe all-defensive plutôt que dans un all-star. Je le vois pas. Je le vois pas all-star, quoi. Même si jusqu'à présent, c'est vrai que quand tu regardes ses stats, le match contre Denver, c'est vraiment le. Comme je te dis, le summum. Le summum, voilà, avec 40 points. Avant ça, il avait fait des perfs à 27, 24, 25 points. C'était clairement lui la troisième option. Après... Il était assez régulier jusqu'à présent et là il a montré voilà, un pic où ça à High Mile City, c'est un pied de nez, c'est marrant. Ouais. Ouais. mais derrière malheureusement c'est retombé assez vite et là, moi je trouve aussi pas mal de pertes de ballons ces derniers temps. Ouais et puis il rentre plus un 3. Ouais, aussi, depuis le match contre Denver il rentre plus un 3. C'est-à-dire... Il a tout donné à Denver, il faut retourner à Denver, ouais. Bah, on retournera pas à Denver avant au mieux le mois de juin. Contre Dallas, il fait un 0 sur 8. Contre Charlotte, il fait un 0 sur 4. Et contre la Nouvelle-Orléans, il fait un 0 sur 3. Et jusqu'à présent, hormis son premier match de la saison où il avait fait un 0 sur 4, sinon après, il était quand même. Assez régulier. Ouais. Ouais, il rentrait. Alors, avec plus ou moins de réussite. Hein, c'est-à-dire qu'on a un match contre Milwaukee, il avait fait un sur 8. Tu vois, bon. Ça peut arriver sur un match, Voilà, mais. contre Brooklyn, le premier match du Brooklyn, le premier match de la double confrontation contre Brooklyn, pareil, il nous fait un sur 8. Mais il nous en avait mis quand même un. Là, le 3 points ne rentre plus. Même son petit shoot, il a un petit shoot pareil que Mikal, un peu mi-distance, qu'il arrive à rentrer régulièrement. Et là, ça rentrait plus. Alors, pour moi, comme je te dis, défensivement, s'il continue comme ça, clairement, il peut prétendre à une place haute dans le classement des meilleurs défenseurs. Pour le All-Star, bah, si on a deux Knicks, ça sera super. Déjà, deux Knicks, ça serait énorme. Faut voir le classement des Knicks aussi. Faut voir la popularité des Knicks. Avec Ouais. Karl-Anthony Towns, on a quand même un joueur qui est assez populaire, qui a Odjian Nwodis, une c'est belle pas le cote. joueur le plus. Enfin, je veux dire, Ah non. il a Même pas. s'il a son petit côté décalé, marrant, mais c'est Ouais. plutôt à contre-courant du reste de la bande. Franc. Hein, tout à fait. Voilà, ça doudoune plutôt bien serré, ces photos À où. la Kenny. Enfin, son FaceTime où il a visiblement pas bien centré la caméra. Bon, il a ce côté décalé, un peu attachant, un peu contre-courant, C'est le flegme qui. anglais. Hein. Peut-être, effectivement. Mais bon, voilà. Effectivement, après son enflammade à Denver, on pouvait se poser la question. Il était régulier, il arrivait à 40 points, mais il nous a montré malheureusement qu'il n'était pas en capacité de pouvoir enchaîner les performances à ce haut niveau de production. Donc, on va voir. Le mois de décembre, normalement, est un mois plus facile pour les Knicks d'un point de vue calendrier, sur le papier. Ceci dit, bon, on est capable de perdre contre n'importe quelle On équipe l'a dans vu, cette hein. ligue. Comme capable de mettre un bon blowout des familles à Denver, donc à voir comment les Knicks vont se comporter en décembre, mais les votes à un moment donné vont se lancer et on verra un petit peu si OG Anunoby a le soutien de la fanbase des Knicks, voire au-delà. C'est pas le joueur le plus populaire, donc ça va être un peu compliqué dans ce concours de popularité de tirer son épingle du jeu. Mais après, est-ce que les coachs y verront un joueur de talent qui mériterait pourquoi pas sa première sélection All-Star? Affaire à suivre. En tout cas, pour nous, ça semble compliqué. Après, tu parlais un petit peu avec anticipation d'un de distinction en fin de saison sur des notions All-NBA Team ou pourquoi pas DPOY. Pour ça, encore faut-il que l'équipe soit plutôt bien classée défensivement, et C'est c'est pas vrai trop le cas en ce moment, que donc ça pourrait lui porter préjudice. c'est vrai que je vais un peu vite en besogne en parlant de défense et Nyx dans la même phrase. Cette saison, du moins, c'est pas encore voilà, la panacée sur l'aspect défensif. Non, c'est Allez, sûr. belle transition en tout cas. On a parlé de OG Anunoby, son autre collègue, le wingstopper, supposé l'autoproclamé wingstopper, Mikal Bridges, lui aussi a fait pas mal parler dans les médias, les observateurs, les fans. Depuis le début de sa saison, autant OG est régulier, autant Mikal, oui, mais régulier dans l'irrégularité, malheureusement. On a plutôt de l'inquiétude vis-à-vis de son efficacité au shoot. C'est sa contribution défensive, même si on ne peut pas la pointer comme étant nulle, et pas toujours au niveau attendu, pas au rendez-vous attendu, ou du moins pas avec la constance qu'on aimerait voir. On s'attendait à avoir une paire d'ailiers en la présence de OG Anunoby et Mikal Bridges. Josh Hart, lui, c'est le défendeur ultime. Il défend même ses coéquipiers dans la presse ou dans les déclats sur les réseaux. Ah, c'est Donc oui, Josh normal. Hart, on n'a pas grand-chose à lui redire en ce début de saison. Je me souviens d'un tweetos qui nous a dit qu'il ne voyait pas quel était le rôle de Josh Hart. Franchement, Voilà. si tu n'as pas vu le rôle de Josh Hart, Qui servait c'est que tu ne regardes pas les Knicks. à rien même, qui servait Voilà. à R. Bah, il sert plutôt à tout. Mais Mikal, voilà, on peut se poser la question et tout de suite, beaucoup sont montés au créneau pour dire, ouais, vu le prix qu'a été payé Mikal Moi aussi, Bridges. puisque c'est là-dessus que je m'étais un peu énervé sur la dernière émission. Ouais. Bah, en fait, c'est le La question, c'est est-ce que c'est un bust? Est-ce qu'il est surcoté? on te demande un retour sur investissement, en fait. Si tu veux, enfin, je sais pas, tu vas acheter quelque chose de cher, Parce que c'est ça, hein, on va parler. Tu vas Oui. acheter quelque chose de cher, tu vas demander à ce que cette chose, eh ben, soit relative au prix, enfin, te fournisse un Rapport service, qualité-prix. voilà, soit relatif au prix auquel tu l'as payé. Alors même si tous ces tours de draft futurs, c'est une sorte de paiement à crédit, C'est un ceci dit, le paiement. prix, c'est le prix. C'est Le prix, comme c'est le prix. au foot. C'est comme au foot quand il y a un transfert, que quand il y a des équipes des fois qui vont mettre un paquet d'oseille sur tel joueur, c'est parce qu'elles se disent, ben, ce joueur-là va nous faire passer un cap là-dessus, va nous faire progresser là-dessus, ou c'est ce qui nous manque et c'est là-dessus qu'on mise. Et que si ce joueur réussit, ben, tant mieux. Et si ce joueur réussit pas, ben, tout de suite en fait on commence à pointer du doigt le transfert en disant, mais est-ce que Il finalement s'est ce pour est-ce que trompé, erreur de finalement ce casting. Le pognon, on pouvait pas le mettre ailleurs. Et là-dessus, c'était là-dessus que moi je m'étais un peu emballé l'année dernière, à la dernière émission. Pas tant en fait, pas tant sur le joueur, parce que moi, Mikal Bridges, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce joueur. Ouais, un profil intéressant. Ouais, super content quand il a signé. Hein. Je l'avais vécu en direct à 5h du mat quand le trade était tombé. Mais après, on s'attend à avoir. On a un certain niveau d'exigence vis-à-vis du joueur. Et alors, autant offensivement, bon, il pêchait compliqué. Et tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, ça va se rattraper défensivement. Et le problème, c'est que même défensivement, il prenait l'eau. Un écran, et là, il était en retard et jamais il arrivait à récupérer son mec. Des rotations défensives, pas toujours top. Un joueur qui, pour le coup, lui, semblait un peu perdu, vraiment. Tu vois, Josh Hart avait dit, ouais, je me sens perdu sur le terrain. Et premier En match, boum, pré-saison, ouais. il nous fait, je crois, un triple-double. Autant Mikal Bridges, il nous semblait, enfin, il nous semble toujours, hein, perdu dans cette équipe par rapport à ce rôle. Qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est la troisième option? Comment il doit défendre? Parce que finalement, c'est pas trop ce qu'on lui demandait, bon, déjà aux Nets et non plus à Phoenix. Donc, comment il doit se positionner par rapport à ce rôle-là, à ces nouveaux coéquipiers-là? Et voilà, donc en fait, quelque part, on avait des attentes sur lui, et pour l'instant, les attentes ne sont pas, enfin, en tout cas, ce qu'on attend de lui, ça n'est pas là, pour l'instant. Voilà, donc on est déçu. Parce qu'en fait, on s'attend à quelque chose, surtout au vu du prix. Donc, on s'attend en fait à quelque chose de haute qualité. On s'attend à, tu vois, de la haute couture. Pour l'instant, on a plutôt de la fast fashion. Et pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on a récupéré un truc dans une fripe. Bon, tu sais pas si t'as fait la bonne affaire ou pas, quoi. Donc, Ah, les fripes du côté de Brooklyn, effectivement, il y a des bonnes affaires comme des trucs un peu particuliers, on va dire, hein. alors, je ne dirais pas que c'est un bust, parce qu'on est arrivé, ça y est, au cap des 20 matchs. Ouais, le premier quart de la saison est joué. Je ne dirais pas Le que c'est bilan. un bust du transfert, que Léon s'est planté. Il a peut-être trop payé, il a peut-être trop payé. Après, il a peut-être trop payé, c'était le prix. Tu as voulu faire plaisir aussi à ta star, ton capitaine. C'est-à-dire, tu fais venir les poteaux, mais bon, à côté de ça, tu envoies Valdingue et Dante. Bon, visiblement, c'était pas le plan, mais ils n'ont pas eu le choix. Il fallait, à un moment donné, des fois, ben, tu n'as pas le choix. Hein. Tu n'allais pas envoyer Jericho Sims, sinon tu allais avoir que dalle. Donc, ben, Voilà, pour tous malheureusement. les fans de Jericho Sims, elle est passée Donc, celle-là. malheureusement, Dante, ben, sortait d'une excellente saison et il a été mis dans la balance. Et bon, tu as sacrifié un poteau pour en faire venir un autre. Bon. Ouais, mais c'est en même temps, c'est deux moves différents. On a tendance à dire, Mikal, trop payé, 5 tours de draft, normalement, c'est pour du Giannis, c'est pour du KD. Ouais, sauf que de toute façon, les Knicks, ils n'allaient pas avoir Giannis, ils n'allaient pas avoir KD, ils n'allaient pas avoir un franchise player. Mikal n'est pas un franchise player non plus. Est-ce que les Knicks sont trop payés? Le Il problème, y a c'est que tu l'as peut-être payé comme un franchise, quoi. Oui, mais Après. parce que c'est un deal aussi avec Brooklyn, peut-être que à 3 tours de draft, on aurait une appréciation différente. Mais peut-être qu'à 3 tours de draft, Brooklyn ne voulait pas le lâcher à New York. Il y a aussi ce rapport de Ça a été. négociation qui Après. rentre en considération dans l'appréciation qu'on a du joueur aujourd'hui. Si on l'avait payé moins cher, finalement, il aurait produit la même chose sur le terrain, mais on aurait dit ça passe parce qu'on l'a eu pour pas cher. Dans mes Là, souvenirs, on l'a eu pour cher et... ça a été fait très vite, ce transfert. Dans mes Ouais. souvenirs, on Il y a a une sorte de l'info. rumeur comme quoi il voudrait partir, Ouais. qui est démentie, puis après, boum, c'est fait, Mais quoi. limite sous 24-48 heures, en fait. Hein, c'est On a une info qui tombe, comme tu dis, dans lequel il a du vagala, mais il souhaite partir. Faut le comprendre. Et les Knicks, pour l'instant, c'est vrai que personne n'en parle trop parce que pour l'instant, les Knicks sont sur la re-signature d'OG, qui tarde un peu. Et puis, boum, ce trade tombe. Avant la prolongation d'OG, Avant en la plus. prolongation, même pas une semaine avant, hein, je crois que c'est Moi, je pensais quelques que ça jours avant. était plutôt annonciateur d'un départ d'OG. Finalement, non, on a pu. OG, qu'on a payé aussi à un prix fort. De Ouais. toute façon, les Knicks ont une ambition, ont retrouvé une crédibilité. Et il y a toujours cette taxe Knicks qui fait qu'on doit, entre guillemets, surpayer des joueurs quand c'est peut-être des contrats. Il y a les fameux impôts, taxation à New York. Le coût de la vie à New York est plus cher que dans des small markets. Donc les joueurs ont envie d'y venir, mais aussi d'avoir le bon petit pactole. Et puis en termes de trade, on l'avait vu lorsqu'il y avait des négociations qui avaient avorté avec l'affaire Donovan Mitchell et Utah Danny Ainge. Eh bien, il y avait toujours une course un peu à la surenchère parce que vous êtes les Knicks. Voilà, on va vous faire raquer. Là, en termes de tour de draft, oui, Léon avait la capacité d'aligner des futurs tours de draft. Des futurs de draft, je crois que tu l'as dit sur les réseaux sociaux. On en a payé beaucoup pour Mical. Peut-être qu'on en récupérera à droite à gauche dans